Parce que ce contingent était censé obéir à la volonté de M. Macron. C'était quoi? Espionner comme Barkhane, faire des choses comme Barkhane, jouer aux mercenaires comme Barkhane. Mais puisque le Mali a bloqué tout cela, en fait, le Mali leur a montré la porte de sortie. C'est ce que le Mali fait. Le Mali ne te dit pas de partir. Le Mali crée des conditions pour que toi-même tu te vois sur le départ. C'est ce qu'on a fait à Barkhane. La même chose a été faite à plusieurs contingents de la MINUSMA. Quand on part vous encercler, on vous empêche d'aller informer ou d'aller rédiger des rapports pour dire que le Mali a fait crime, je sais pas, et a violé les droits de l'homme. Quand on vous empêche d'effectuer vos opérations d'espionnage, parce que la MINUSMA n'est pas partenaire au Mali, il faut vraiment préciser. La MINUSMA ne défendait aucune localité au Mali, ne défend même aucun village au Mali. Je ne connais pas un seul village au Mali. Afrique Média, le monde, c'est nous.